Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial la crime. Deuxième semaine. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est en effet le coup d'envoi. Début de la deuxième semaine avec la crime et l'album Corleone, comment ça va? Ça va Fred et toi? Est-ce que je reçois un mec content, heureux? Oui, je suis content. Détendu? Oui. Bon, ça y est, hein, t'as vu les résultats, enfin les premiers résultats, numéro 1 depuis cette nuit. Ouais, bah ouais. Ça lâche pas l'affaire. Normal. D'ailleurs, tu sais quoi, nous on est descendu dans la rue, on a été prendre un petit sondage devant les gens qui ont acheté ton album. Non. Ouais, on écoutera ça tout à l'heure, avant 21h. Tu pourras découvrir un petit peu les avis des gens qui ont été acheter l'album. Okay. Donc sur le terrain, ceux qui ont été se procurer l'album en physique, c'est sorti depuis aujourd'hui. Exactement. L'album de la crime qu'on découvre depuis la semaine dernière et toute cette semaine encore. Voilà. Bon, ça va le week-end au Maroc? Ouais, ça va. Bien. C'était rempli, c'était le feu. C'était bien, c'était le feu. Ouais, c'était le feu. Donc showcase. Bien accueilli, c'était très bien. Prochain showcase d'ailleurs, ce sera le 6 septembre, samedi prochain, du côté de Perpignan. Ouais. On aura l'occasion évidemment d'en parler durant cette semaine. Mmh. Et là, c'est reparti pour une nouvelle semaine, pour découvrir aussi Corleone. On va pouvoir passer tous les morceaux là cette semaine. Ouais, on va passer beaucoup de morceaux, beaucoup d'inédits. C'est bien, on va donner cette semaine. Bon, c'est quoi les retours que t'as toi sur les titres? Est-ce qu'il y a des titres justement où t'as des surprises, où les gens bloquent dessus? Non, là pas plus que ça, parce que j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça. Puis en plus, l'album il est sorti qu'aujourd'hui, donc. Je verrai ce soir, tu vois. Là aujourd'hui, j'avais des interviews, des trucs, tu vois. Donc voilà. Mais après, moi, je peux te dire par rapport à mon entourage déjà. J'ai un gros entourage qui a écouté l'album avant. Donc ce qui revient le plus, c'est Oz. Je suis qu'un thug. On fait pas ça. Bracelet surtout. Bracelet, on va débuter avec. Ouais, Oz, tu le feras en live tout à l'heure. Ouais, on va le faire en live. Et puis vous aussi, tiens, dites-nous quels sont vos morceaux préférés. Si vous avez récupéré l'album, regarde, je vois déjà des photos arriver. L'album de la crime, je l'ai déjà. Vous continuez à balancer les photos sur Skyrock FM via l'application. Et dites-nous quels sont vos morceaux préférés. Allez-y avec le hashtag Lacrime sur Skyrock. Et puis tiens, on va se mettre dans l'album avec un petit medley de l'album et quelques classiques de Lacrime. Écoutez ça. Ok, Lacrime cette semaine sur Skyrock. Dans Planète Rap. Skyrock. Aïe. Skyrock. Y'a ceux qui se tirent, y'a ceux qui traînent, y'a l'enfant, y'a ceux qu'on pleure, y'en a se tirent. Y'a Christian Jarre, y'a les Kitty, y'a les Gravons, y'a les petits. La vie ma mère, je veux pas les fous. Parce qu'on aime ça, on attend ça, mais pour ça, on baisse là. Faut voir un jour me reposer. Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Même avec des millions, aurons-nous la paix? Je suis qu'un parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Faut faire de la monnaie. Très vite, faut faire de la monnaie. Moi, je dis que le sort s'acharne. Gros, des fois, t'as bon me ramener la plus bonne. Je m'en bats les couilles de même voir ça chaque 10 000. Je suis pas cher pour toute la semaine. Gucci de la tête à la semaine. Oui, qui t'a dit que le rap ça paye pas. Mais petit bâtard, je fais la paye à ma gueule. Dis-moi qui n'a pas raison. Je baisse en 40 000 quand je m'assois sur ma cargaison. Propriétaire de ma maison. T'inquiète, Ray, on veut tous. Tu caches au corps, tu caches histoire d'avoir un peu. Tous, c'est mon petit côté bâtard. Dis pas que j'ai pas d'âme. Je te fume après ça, je fais mon petit concert au madame. J'ai la tête dans les chiffres. Ne me parlez pas de l'être. Non, ne me jugez pas. Je suis qu'un homme et fier de l'être. Je vais avoir une belle baraque. Pour ça faut prendre des risques. Elle voit que je fais de l'oseille, mais elle croit que je vends des disques. Je peux pas tout lui dire, mais je la respecte à la vraie. Mon vécu en dit long, moi et crâne pas. Faut pas que je m'attache. Faut pas que je suive ces allers-retours dans ma life. À force me nuise. Je veux pas d'une vie à la vache, ni me La Crime, l'album c'est Corleone, ça y est, il est sorti aujourd'hui. On fête ça toute la semaine entre 20h et 21h avec La Crime. Avec des poteaux qui sont passés d'ailleurs. Ouais, des poteaux qui sont passés. On est nombreux. Monsieur Démon One, qui est là. C'est pas fini. Brûlé là aussi. Brûlé, centre de flux, Magal, on est là. Aïe, aïe, aïe. Big up La Crime, Corleone, il est sorti aujourd'hui. On l'a ramené, il est là. Et oui, et il y a aussi le coffret collector alors qui est en train de s'arracher à la Fnac. Dépêchez-vous, je sais pas s'il en reste. Je sais pas non plus. Ceux qui l'ont récupéré, dis-nous, tiens, j'arrête pas de voir des photos. Regarde-moi ça, le nombre de photos de gens qui ont. En fait, les gens aiment bien aussi avoir l'objet, hein, le physique. Exactement. Moi, je sais que par exemple, j'ai une anecdote, c'est qu'à chaque fois que je sors mes projets, il y a tout mon projet sur Internet une semaine avant. Il y a des fois où je l'ai eu deux semaines avant. Mais ça m'a jamais inquiété. En fait, les gens, ils découvrent le projet pour eux. Et ils se disent qu'ils veulent avoir le CD dans leur voiture. L'objet, ou ouais. Chez eux, ouais. C'est bien, je vais l'acheter, tu vois. C'est-à-dire que les gens, je sais que même en 2014, ils aiment bien avoir leur petit CD, leur petite pochette, tu vois, dans leur voiture, bien rangée, tu vois. Voilà. Et ben, on était leur demander aux gens dans un instant, on pourra écouter ça, ne bouge pas, et là, on débute. Okay. Comme chaque soir avec le morceau Bracelet. Ouais. C'est extrait de Corleone, La Crime, notre invité cette semaine encore. C'est comment? T'es une belle petite bombe atomique. Congo, un bête de corps. On a dit ou pas? J'ai le bracelet électronique. Ouais, moi, sinon, je serais déjà parti. Alors, Fater, c'est comment ma gueule? Clara Morgan, Fatih, ouais, Boudère, Nagui, fraîche. 180, bracelet, frère. Rare. Alors, Ray. Le matin, je descends dans la promenade. Je suis cette barre de bâtard, frère. Dans un 1er septembre. Félix et Sau, faire sauter le bus. Dors, ça complote, on va te fumer. Un jour de bruit, laissez par terre ma gueule. J'aurai un alibi, je serai à Miami sur un jet ski sans départeur. Nous t'aimes, c'est si t'aimes, je vais te faire. La com est pas fait pour décevoir ses frères. Tu m'aides à l'intuition, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour le fils de pute, elle est donneur des dos. Je pense à mes robes, toujours en cage. J'ai beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, on est que les barrages. Ton pote, le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, un bon massage, aborde la plage. Ouais, je mets mon fils dans le X6, 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Mais c'est fait 12 et pas V6. J'ai tout niqué dans ma piscine. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. J'compte à des vrais tueurs, quand même tu sais. Demandeur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Pote à 23h, je bois du champagne. Foie gras, pas de Springle. C'est qu'être mon frère, j'suis toujours le même. Calibré comme un Inkle. Il parle tous de moi comme gros Carlos. Bécan, photo pas moche, je te laisse sortir. Ouais, les frais, les Perpignan, ma gueule. L'Auvergnat. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. J'ai écrit que des billets violets. Eh, frais. Ouais, c'est quoi cet talons, je vais alors. Je suis parti pour tout baiser. Les chartes, les chiffres jusqu'à TVC. Dans la rue, sur mes couilles que j'ai tout misé. Comme une carapace, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, juste épée. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi, ni ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter. Y'a mon album qui va sortir. Mon dame est con, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on ne plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas. D'accord, Miami dans l'avion, démantèle à ma gueule. Le morceau s'appelle Bracelet, l'extrait de Corleone. Ça y est, ouais. C'est dans les bacs depuis ce matin. Ouais. L'album est dispo, l'album de La Crime. Cet album, vous avez pu le découvrir la semaine dernière. Cette semaine encore, on va mettre plein de morceaux, évidemment, toute la semaine. Tu feras un live Oz tout à l'heure. Ouais, on va faire un live Oz, ouais, sur le morceau sur la prison. Les poteaux sont connectés et voilà, on va faire le morceau. À pas louper, et puis je vois aussi le nombre de photos, le nombre de messages qui arrivent avec tous vos morceaux préférés. C'est vrai qu'il revient souvent Oz, hein, le morceau. Ouais. Je suis qu'un thug aussi, allez-y, vous balancez vos morceaux préférés si vous avez récupéré l'album de La Crime Corleone aujourd'hui avec le hashtag La Crime sur Skyrock. Et nous, on a été faire un petit tour, tiens, aujourd'hui devant les magasins. Ok. Pour voir un petit peu les gens qui achetaient l'album de La Crime. Ouais. Et avoir leur avis. Okay. Tu veux écouter? Ben, bien sûr. Tiens. Là, on passe à la radio là. crime, t'es un ouf. Ouais, bien sûr, la crime, bien sûr, Corleone. Non, franchement, ça va, il est cool, hein, il est bon. Je l'écoute depuis ses débuts et j'aime bien. Quand il dit ses morceaux, on sent qu'il est vrai. Genre, on sent son vécu, tout ça. On sent que dans ses paroles, il a un lourd vécu, tu vois. Mon Glock qui mettra à genoux, celui-là, c'est mon préféré. Mais par contre, le dernier, là, l'île drogue ou je sais pas quoi, j'aime pas trop. Faut éviter le vocodeur. Tu vas le demander en mariage, hein? Non, c'est à lui de me demander en mariage. Ah, c'est la première fois de ma vie, de toute ma vie. Hein. Je vais acheter un CD à la fois. Il va faire mal au derche, il a fait très très mal au derche. On est en train de l'écouter. T'es en train d'écouter la crème? Ouais. Bah, il déchire, hein, la crème. Ah, c'est un Renan? Non, c'est un Rebeu. C'est un Rebeu? Ouais, en fait, je ne le connais pas. Il continue ce qu'il fait, c'est bien. Le nouveau album est sorti. T'as été l'acheter? Non, pas encore, j'ai pas l'argent là. Bientôt, j'allais l'acheter. Pour ses sons, pour ce qu'il raconte dans ses sons, son vécu. Et même tout, ouais, j'aime bien. Voilà, je kiffe. Là, on va aller à la Fnac, on va le prendre tout de suite. Elle a crime, hey, j'écoute tes sons depuis le début. Sinon, ça, il fait du bon rap, il faut qu'il continue. Ah, faut qu'il sorte des nouveaux sons là, franchement. Là. Il vient de sortir un album aujourd'hui. Ouais, mais. Ah ouais? Ouais. Ah, vas-y, je vais le télécharger alors. J'espère légalement, hein, pour télécharger. Ouais, mais légalement. On est là, on fait de la musique, tu sais, ceux qui soutiennent. Moi, je remarque, regarde, je viens bon, en quelque sorte, je viens d'arriver. Mmh. Mais c'est le public qui fait tout, tu vois. Moi, je viens, je distribue de la musique, je raconte ce que j'ai à raconter, le public adhère ou pas, et il fait que t'es là ou pas, tu vois. Bon, quand t'entends en tout cas le micro-trot qui a été fait là, justement devant les magasins. Ouais, c'est charmé. Ce qu'on ressent, c'est en tout cas, voilà, c'est qu'il ressemble le vécu que t'as eu, que tu mens pas, c'est quelque chose que tu dis d'ailleurs, voilà, dans tes textes. Ouais, bien sûr. C'est ce qui ressort du micro-trot. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Et puis voilà, je sais pas comment t'as pris ce que t'as pu entendre, mais ça fait plaisir d'avoir Par exemple, sondage express. Ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Mmh. Bien. Après, pour le mariage, ça va être un peu compliqué. Pas tout de suite. Ouais, alors, plus tard. Plus tard. Ouais. Renoir, Rebeu, je suis un chinois, elle connaît pas la musique. Pas la crime, elle a raison. En fait, la crime est asiate. Et pour le vocodeur, après, c'est... Il y avait une petite réflexion sur lui. Non, mais après, moi, j'aimerais en parler vite fait parce que j'ai un public quand même, t'as vu, je respecte et tout. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Il y a une différence entre le commercial et de la musique. T'as vu, je sais ce que je dis dans ma musique, il n'y a rien de commercial, tu vois. Les radios auraient peur de jouer ce morceau. Je te parle en playlist, t'as compris. Et en même temps, je comprends pas, t'as vu, ils aiment bien Lil Durk. Je me dis, je fais un morceau avec lui. C'est bien pour faire accepter la mentalité, tu vois. Les Français, ils ont une mentalité un peu coincée. Je fais pas du vocodeur pour faire de l'argent. Je sais pas chanter. Mais à un moment donné, quand t'es trop dur et trop linéaire dans tes morceaux, t'es un mec qui jette des morceaux par la fenêtre. Je peux en faire 10, moi, dans la journée, des morceaux simples comme ça, tu vois. Tu fais des ponts, tu chantes un peu, t'accélères, tu mets un peu plus d'émotion au morceau. Un morceau comme Mon Frère, si je l'aurais rappé, ça aurait été de la merde. Mmh. Tu vois. Un morceau comme Oh, si j'avais pas ce refrain-là, ça aurait pas été pareil. Voilà. Bon, après, voilà, on peut pas. Non, mais. On peut pas. J'essaie d'expliquer aussi, ouais, tu vois. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai, quoi, il y avait quelqu'un. J'aurais pu faire le mec qui fait mon morceau et je m'en fous et tu vois, je propose ce que je donne et voilà. Bon, en l'occurrence, en 4 jours, il y a eu 1,5 million de vues pour le clip avec Leader. Quand même. C'est déjà un bon indicateur. J'étais à Tanger en boîte. Ouais. C'est un truc de fou. La veille déjà, à Marrakech, je venais de sortir, ça faisait un jour, les gens dans la boîte, c'était comme des fous. Je l'ai rappé 2 jours après, c'était incroyable, tous les gens, ils connaissaient par cœur. Non, et puis après, voilà, et puis je pense que quand on est un artiste, quand on teste des choses aussi dans la musique, c'est bien d'aller sur plein de choses différentes. Exactement. En l'occurrence, il y a une cohérence sur l'album, mais il y a aussi des choses que tu testes, que tu n'as jamais testé d'ailleurs dans tes précédents morceaux. Il y a des choses nouvelles aussi. Exactement. Puis c'est ça qui fait aussi la rareté d'un album comme celui-ci. Voilà. Qui est souligné, en tout cas, j'ai vu d'ailleurs la presse ce matin aussi, je sais plus, c'était dans Métro, je crois, ce matin. Il y a un super article, alors que c'est des gens de la presse qui sont habitués peut-être pas à écouter forcément du rap. Exactement. Et tout, mais qui ont accroché en disant voilà, c'est l'album de la rentrée, c'est l'album qu'il faut avoir. Enfin, il y a quelque chose qui se passe autour de Corleone. Ouais, c'est ce que je vois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Continuez aussi à nous dire ce que vous pensez de cet album au 41759. Le hashtag La Crime sur Skyrock. Bah tiens, ça va faire plaisir à la personne qui était dans le micro-trot. Le morceau avec Leader qu'on écoute maintenant. Tout de suite, ma gueule. Lui, on est là, on écoute. Hein. On fait prison ça. France, ma gueule. Alors ma gueule Pepelo, c'est comment? Parler pour ne rien faire, on fait pas ça. Se coucher dans une affaire, en vrai on fait pas ça. Balancer un de mes frères, ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'la paie. Glock, shit, coke, beef, 3 litres de fax et non. Si j'arrive, tu te feras buter forcément. Il m'en veut car j'ai trouvé la fin. dormirai plus jamais sur la paille. Baby, ils ne sont pas à ma taille. Fuck you, que la rafale. Pourquoi faire de la taille? Cette année, on verra bien qui est le meilleur. J'suis de mauvaise humeur, ce matin, je lui ai mis derrière. La devise, ne jamais parler pour rien. Alors ferme ton claque-merde, on s'en bat les reins. Parler pour ne rien faire, on fait pas ça. Se coucher dans une affaire, en vrai, on fait pas ça. Balancer un demi-frère, ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent nous faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Nigga be talking about killers, let's get it. Only fuck with my killers, squad. We don't fuck with these niggas, nah. Fuck nigga better keep they distance, ew. Ouais, Nizar, c'est comment? La parlette, l'une, les gommettes, prennent la santé, Nanterre, Fleury. We real niggas, let's get it, let's get it, let's get it. So you better keep your hands on high, yeah. Cause I can't trust these niggas, no, no. Let's get it. Parler pour ne rien faire, on fait pas ça. Se coucher dans une affaire, en vrai, on fait pas ça. Balancer un de mes frères, ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'la paix. Profond dans ses fesses. Les heures du match, fais un bain minuit noyé dans l'ivresse. Pas besoin de sucer pour me faire des amis. Ils parlent de mourir, je sais qu'ils aiment trop la vie. Oui, je veux faire des gros sous, car c'est loin d'ici. Dealer, ça brise, c'est 4 pour mes ennemis. Je vis la rue, 9-4, c'est de là d'où je viens. Afif, j'en mets petit bas chez les Marocains. Lune, bâtiment B. Prod de bâtard gros, Belay casse les gens frère. Ouais le gros, ouais Jiki, ouais Kiss, ouais Cookie, Zeggy, aïe aïe aïe, Belleville Zoo, Lorient ma gueule. C'est comme un bondi, c'est comme un choisi. C'est extrait l'album Corleone à l'instant. Le clip, je disais, plus d'un million et demi de vues en l'espace de 4 jours. Ouais. Donc c'est qui plaît a priori le clip et le son de ce morceau. Ouais. On fait pas ça à l'instant. À la prod Belleg qui est là aussi. Ouais. Venu soutenir toute la semaine dernière et de retour cette semaine, ça va bien. Ça va ou quoi? Content de ce qui est en train de se passer là sur Corleone? Très très très content. Ouais. Mérité. Il a bossé, on a bossé, on a fait de la frappe. Et voilà, les gens ils soutiennent. Hein. Bon, Jaya, ouais. Numéro 1 pour l'instant la crime et toute la semaine, bah, c'est ce qu'on te souhaite hein, aussi, que ça se maintienne, que ça continue. C'est public ça frère, t'as vu, si j'ai quelques réussites demain, c'est grâce au public, hein, ça veut dire c'est partagé. En studio, t'as vu cette pression de dire voilà, j'aimerais bien quand même faire une belle entrée ou tu l'as fait sans une énorme pression cet album? Non, cette pression-là, non, mais je l'ai fait en disant faut que je fasse mal. Voilà. Je t'ai vu sourire, c'est que ouais, voilà. Ça a dû te rappeler des ouais, c'est ça. Des moments. Je suis serein, t'as vu, j'ai toujours été serein. Oui, c'est vrai, la semaine dernière, t'étais... Ouais. Et même au début de ma carrière, ça veut dire, quand il n'y avait rien, j'étais serein. Même tu me connais pas, tu me regardes pas, je passe devant toi, je te dis bonjour, je te dis même pas je fais de la musique, je fais ce que j'ai à faire, toi. Mais je suis toujours serein. Et aujourd'hui, je suis là. Et là particulièrement. Et là particulièrement. Avec aujourd'hui une belle journée. Un événement. Voilà. Sorti le 1er septembre de Corleone, on mettra d'autres morceaux dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on a de prévu ce soir? Peut-être qu'on va remettre le Corleone, l'intro de cet album. C'est logique. C'est tous les jours ça. Eh bah très bien. Le Oz en live aussi. Ouais. Tu veux dire un mot sur le Oz? Parce que c'est vrai que c'est un des morceaux les plus demandés. Ouais. En fait, c'est quoi? Regarde, justement, les détenus sont un peu branchés, ils écoutent et tout. Ceux qui ont fait de la prison aussi. J'ai été dans la controverse des clichés. Ça veut dire, et je le sais. Tu vois, c'est vraiment en connaissance de cause. Les tolards, même t'as tué, même t'as fait ce que tu veux, t'as un cœur, tu vois. T'es en prison, 19h30, 20h, coucher de soleil, tu fumes ton joint par la fenêtre, tu regardes Secret Story, tu regardes les meufs, tu regardes les trucs, tu regardes Facebook, les potos ils sont en Thaïlande, ils sont là-bas, tu craques, frère. T'as pas de nouvelles de la juge, être snob, tu vois. Ta mère, tu veux pas qu'elle vienne, tu veux pas qu'elle pleure, t'as des enfants, des trucs, c'est la guerre, frère, tu vois. Faut se préparer à tout. Tu sais, c'est une micro-société. Mais il y a que des délinquants. Il y a que des lions. Bah, c'est ce que tu dis aussi dans tes morceaux, quand justement tu dis que t'as fait du mal à ta mère surtout. Bien sûr. Que toi t'as un enfant aussi. Bien sûr. T'en parles, voilà tout ça. Il y a une phrase, t'as vu, elle est connue un petit peu. Mais quand tu rentres en prison, on dit que ton cœur, tu le laisses au greffe à l'entrée, tu vois. Donc c'est un peu tout ça. Et c'est la prod, elle se prod archi bien, elle se prête archi bien au thème, tu vois. Parce que quand t'écoutes dans sa cellule, dans ta cellule, là, tu l'écoutes le morceau. Moi, mes potes, ils me disent, ils pètent les plombs, tu vois. Et voilà, t'as vu, plutôt que l'instru, tu vois, trappe, nique ta mère, la juge, ouais, truc, ouais, envoie des cigarettes, j'ai du shit, tu vois. Le truc, il est vraiment réaliste. De toute façon, on va se le faire en live. Et ben, on le fera en live, on pourra le découvrir pour ceux qui n'ont pas encore l'album Corleone. Bougez pas, on va revenir avec vous aussi en freestyle. Allez-y, 41759 pour les inscriptions. La crime, toute la semaine, il est dans Planète Rap avec l'album Corleone. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est la crime et aujourd'hui c'est sortie d'album Corleone, 1er septembre, ça y est, c'est dans les bacs, toujours numéro 1 aussi en téléchargement légal pour la crime. Ouais. On va écouter d'ailleurs le morceau qui s'appelle Corleone, mais juste avant, petite question. Comme c'est la sortie aujourd'hui, ceux qui ont récupéré l'album doivent avoir la réponse, évidemment. Combien y a-t-il de morceaux sur cet album Corleone? Simple. Allez-y, très simple. 41759, combien de morceaux sur l'album? Avec le hashtag La Crime sur Skyrock, l'un ou l'une d'entre vous repart avec la box collector de La Crime Corleone. Où vous retrouverez ce morceau, c'est l'intro de l'album. Exactement. On balance? Allez, tout de suite. Allez, c'est parti. Allez. La Crime. Cor. Tu fais des sous, t'as pas capo. C'est que t'es comme moi, c'est que t'es comme moi. La rue c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non, la vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, d'honneur. Dis frère, sois fier. Regarde-moi, là ouais. Le jour, la veille de ma paye, je dors pas. L'ivresse, la fin du billet de mon repas. Ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie. Protéger la mif, tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Ça y des médis, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Combien dans ta ville ont fini bandit? À 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Me dis, fais même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer. On niquait leur vie en tôle, mon gros. Avec la fin, je suis parti de rien. Je voulais voir le monde. Donc j'ai volé, l'estomac noué. Jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, n'est pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un grand loup de la tête, qui a tout niqué pour rater sa pièce. Yo, 9-4, you know how we do. Ça braque, ça monte de la drogue. Tout fait pour creuser mon trou, il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout. Y'a rien dans mon assiette, donc je prends tout au resto. La faim nous a soudés, nous a rendus plus forts. On a grandi sans un sou, adolescent, nous prenions que des lards. Fait du mal, déçu ma mère, amour venu d'ailleurs. Du fils et mitrailleur, t'es là pour toucher tous les gars. T'es là pour tout perdre, je suis qu'un parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Ratatatata frère, t'es mort. Corleone. Corps, fusil à lunettes. Je te jure frère, putain. La rahmo. Gros remix qui arrive, hein. Vous allez tomber par terre. C'est la Crime, notre invité cette semaine encore avec l'album Corleone, album numéro 1 des ventes pour la Crime. Et le morceau d'ailleurs, l'intro de cet album qui s'appelle ouais. Corleone à l'instant. L'intro. Alors si j'ai bien tendu l'oreille, il y a aussi des remixes qui arrivent. Ouais. Pourquoi? Pour Corleone, pour d'autres morceaux? Ouais, prochaine mixtape là, qui arrive. Ouais. On va déjà commencer à taffer, il y a déjà 2-3 complets qui ont été posés. Ah oui, carrément, ouais, tu perds pas de temps en fait. Ouais, c'est... Il y a Belé qui sait. C'est trop. Ah, ils vont tomber par terre. Putain. Bon, et bah à suivre. Ah, je te... L'aventure Corleone est loin d'être finie. Ouais. Il y a aussi une tournée, pour l'instant c'est des showcases hein, que tu fais. Pour l'instant showcases. Ouais. Showcases, Perpignan, ouais. C'est ce week-end, le 6 septembre au Purple. Il y aura le 12 septembre à Liège, le 13 à Mons. À Mons. Et 26 septembre à Lyon. À Lyon. Corleone sur scène aussi, il y aura une grosse tournée qu'on annoncera par la suite aussi. Et par téléphone, on est avec Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yo, ça va Frédérico? Ça va Kéfir. Fait plaisir de te retrouver. Ça fait quoi? Ouais, sortie de blaze. Ça va Kéfir, en pleine forme? Ouais, nickel, nickel. Trop bien Kéfir, bien. Un petit mot sur la Crime, Kéfir? Ouais, bah la Crime, pour moi, je suis plus l'ancienne école, mais là, j'ai écouté Né pour mourir, je crois, non, et un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, et je sais pas si c'est sur ce projet où il y a un truc avec Alonso. Ouais, c'est exactement ça. Eh ben voilà, j'avais bien aimé ce morceau. Merci beaucoup, ma gueule, merci. Nickel. Merci, ma gueule. Ça fait plaisir. Là, le nouvel album. Là, c'est Corleone maintenant. Est sorti aujourd'hui. Yes. À Saint-Etienne et dans toute la France, Kéfir. Bon, t'es prêt à rapper? Je vais écouter ça. Je vais essayer de pécho l'album et je vais écouter ça avec grand plaisir. Pour essayer, c'est pas difficile, hein, c'est juste à côté de chez toi. Il y en a partout. Ah, essayer de le pécho. Ah, mais tu sais pas où j'habite, moi, c'est vraiment t'as là. Où j'habite la campagne de Saint-Etienne. Ah, c'est pour ça que tu dis Saint-Etienne, mais en fait, c'est la campagne de Saint-Etienne. C'est toujours plus ouais, pratique. Mais c'est pour pas iTunes. Tiens, tu vois. Voilà. Ah, voilà, iTunes, voilà. Ça met tout le monde d'accord. Et Saint-Etienne, je vais pas trop le dire parce que. Ce week-end, c'est mal passé pour moi. Ah ouais, petit 5-0. Bon. Des choses qui arrivent, Kéfir. Des choses qui arrivent. Ouais. Bon, bah t'écoutes rapper, t'as entendu, hein, cette saison dans Planète Rap, il faut faire une 30, précis, yeah. Court, efficace. Sinon, il y a le gong et la trappe qui va derrière. Ok. Allez, c'est parti. Yes. Yo. Yo. Flashback sur ma life, je rappe depuis l'âge incroyable. À cette époque, y'avait un cri hip-hop dans mon agenda. Je me souviens des Posca, Corio, Bombay, Gerta. Exprime sur les murs l'artiste, il sommeille en froid. Artiste, graffiti, hip-hop, solidarity, peace, unity, love, c'est notre philosophie. Tout l'esprit qu'on sent exigé, que notre âme soit plus négligée pour qu'on soit tous effrigés. KEFYR en impro, en direct avec la Crime. J'arrive ici, MC, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est KEFYR, c'est pas un pour la tease. Je pars en improvisation, pas besoin de présentation. Tu peux appuyer sur action. J'en place une pour Frédérico. MC, c'est pas Enrico Mathias. KEFYR arrive ici, dédicace. Off tous mes potos, one mic. On arrive ici, wallah, on va essayer de percer. J'arrive ici, MC, tu sais que je suis le plus off. Moi j'arrive et j'essaye de percer. KEFYR à l'élève, cherché. Parce qu'il fait froid dans notre campagne à Saint-Etienne. Mais mon point c'est à la tienne parce que je suis ici. Moi je pars en improvisation en direct de Sky. Je pars en live, qu'est-ce que tu veux que je te dise? KEFYR arrive ici et traumatise. Je prends le microphone, pas besoin de phone. Et mec, je suis pas fun et je prends le micro. Yeah, KEFYR n'est pas un pro. Comme dirait Shuriken, mec, laisse faire les pros et prends un afro. KEFYR, coupe les wacks comme Black et Decker. Je pose ici, mec, j'espère que c'est pas une crampe. KEFYR arrive ici, mec, j'ai rien dans le ventre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? KEFYR arrive ici et moi, je suis pas dans le bise. Yo, je suis dans le viseur. Yeah, KEFYR, one mic. Voilà, Kéfir, regarde le gong a retenti au moment où tu allais t'arrêter. Parfait. T'as un bon morceau sous le lourd. Tu es un bon, très bon Kéfir. Ah, merci, merci. J'ai perdu mon texte, mais j'ai essayé de combler. Bon, bah, pas grave. Il y a un projet, toi, que tu vas sortir prochainement aussi, Kéfir. Yes, le projet, c'est avec mon crew One Mic et il sort fin septembre et voilà, il sera. J'espère que vous en entendrez parler. On fera. Je t'avais promis une nocturne, on fera. T'inquiète, Kéfir. Ah bah merci beaucoup. C'est dit à l'antenne, si je peux plus me rétracter ouais, maintenant. Plus, c'est nickel, bah je te remercie beaucoup. C'est dédicace, petit message à passer. Bah à mon crew, One Mic et à tout le monde, merci à tout le monde. Dédicace aussi à tous ceux qui m'aident à avancer dans le hip-hop. Voilà, et la Crime c'est aux personnes à qui on en parle. Merci ma gueule. Merci voilà, à toi. Sinon, il y a une page One Mic Association et une page KEFYR sur Facebook, ceux qui veulent me retrouver. Merci à toi Kéfir. La Crime, bonne chance pour ton projet. Merci vraiment. Beaucoup, sincèrement. Merci. Ciao. Merci à toi Kéfir. Dans un instant, on filera la bonne réponse à la question que j'ai posée. Combien y a-t-il de morceaux sur Corleone? Et là, on va écouter un des titres tout de suite. Pocket Coffee. Exactement, on va Pocket Coffee, frère. Allez, c'est parti. Vous êtes branchés à l'une. Wesh FF, ça dit quoi? Les potos du 7-7. Alors Yapta. Wesh Idriss. Wesh les potos Rockma. Je rêve de tranquillité, de millions de dollars. Genre du placard, demain matin je vais me faire sucer dans un sauna. Je suis un homme, faut qu'on se le dise. Je pourrais te faire des trucs de malade. Peut-être que t'as vendu quelques disques parce que papa n'était pas là. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie? Je fais partie des anciens routards. 60 jours avant que n'arrive l'euro, j'avais déjà 10 parts en moutarde. Jamais connu la puberté. 11 ans, j'tirais de gros staff. 17 ans, raté le million. Le juge m'a privé de liberté. Déjà, c'est vrai dès la portée. On fait l'amour avec la muerte. Je veux rentrer dans le cul de la France. Ça n'est qu'une histoire de fierté. Ce que j'ai fait, je le regrette pour qu'une seule raison. Parce que ma mère a pleuré. Tu m'en bats les couilles, c'est pas ma faute. Tu fais ton taf, tes banquiers rappeuraient. Tu rêvais d'avoir un bateau. Tu n'as même pas eu la voilette. Ma mère m'a dit, t'as pris des millions. Que ta chie est dans les toilettes. Des mecs comme moi dans le rap, y'en a peu. Mais dans les cités, y'en a des milliers. Si tu fais plus de sous que les Schmitt, ils voudront t'humilier. J'ai connu Marbella, la dame la favela. Je la prenais des litres en deux repas. Toi tu n'étais jamais là. Ouais, gros. Je connais l'art de vivre. La crime dans ta voiture, compteur bloqué minimum à 2-10. Je suis bourré, je pense à mes frères. J'ai laissé dans la promenade. C'est comme l'or dans la promenade. Contre la dalle et peut-être beaucoup de gens. Tu sautes les 12 frères. Pour rien charcler. On veut pas être adulé. Nous ne sommes pas dans un film. Ta maman m'a tué. Cinquantaine de loyers. C'est le tarot d'un soldat pour foudroyer. J'ai l'alibi, me voilà nettoyé. Je peux aller dîner tranquille. Sur la tête de mon fiston. Quand je lèche le vito, c'est pour lui, pas pour des putes. Je lui prendrai même du vison. Je pense à lui, j'ai des frissons. Lui dans mes bras, un brolic sur moi. Quelle vie nous subissons. Regarde ce système. À quoi il t'amène? Remplis sac de l'OV. Ou bien je te nique ta mère. Vécu dans les égouts. J'ai ma suite au palace. Ta tête me dit quelque chose. Y'aurait pas ta mère au Dallas. Des cartouches de Famas. T'es là jusqu'à Damas. Mais là je suis dans les îles. Sur un ananas. J'ai connu Marbella. Connu Marbella. Tombe la favela. Tombe la favela. J'en prenais des kilos de pire. Toi tu n'étais jamais là. Tu n'étais jamais là. Je connais l'art de vivre. La clim dans ta voiture, tout est bloqué, minimum à 2-10. La bagarre, on sait pas faire. On préfère t'allumer ta mère. T'allumer ta mère. T'allumer ta mère. La bagarre, on sait pas faire. On préfère t'allumer ta mère. T'allumer ta mère. Allumer ta mère. Pocket Coffee à l'instant sur Skyrock entre 20h et 21h, ouais. Le Planet Rap avec, ouais, la crime et l'album Corleone qui est dans les bacs. Ouais, là il y a beaucoup de monde. Bon, 60% des gens je connais, 40% des gens je connais pas. Bon, ils viennent soutenir, ça fait plaisir. Là, il y a un poteau qui vient d'arriver, Rimkus. Tu vois, c'était pas préparé, mais je voulais le présenter. Bah, présente-nous Rimkus alors. Ouais, Rimkus, très très très gros rappeur. Il me dit qu'il a pris la retraite. Là, il est pas au courant. Déjà là, il est pas au courant, là, parce qu'il vient, il rentre, je le tacle. Là, je sais qu'il est pas bien, là, tu vois. Ah, il sait, Rimkus, quand il arrive, c'est. Et moi, je sais que c'est un mec qui a un talent de fou, tu vois. Et tu vois, je sais, je parle pas pour rien. Il a fait des morceaux qui ont été mis sur mes projets, son projet à Mister You. Ça a cartonné grave. On est parti une fois, on a fait une date en Belgique. Il y a 2 ans et demi de ça, le public était fou. Il connaissait ses chansons par cœur, tu vois. Et voilà. Et là, il arrête déjà? Ouais, ça fait déjà plus d'un an, 1 an et demi déjà qu'il s'est mis sur off. On avait fait un morceau, on vient du 9-4 et il voulait même pas le clipper. Il a dit non, moi, t'as vu, j'ai fait ça, t'as vu, voilà, tranquille, c'est une passion. Là, je l'ai vu rentrer en studio, je lui ai dit, à côté de moi, et voilà, je voulais qu'il passe un petit bonjour. Ça va, Rimkus? Ouais, ça va, tranquillement. Donc, tu vas pas reprendre, c'est retraite ou? Ah, c'est off là. C'est off là, c'est bien déjà. C'est off là, ça veut dire que ça laisse une porte ouverte. On verra. À toutes les fenêtres. Ouais, mais en tout cas, frère, il a encore un talent, hein, c'est incroyable. Voilà, bon, Rimkus, frère, je la rue, sur Corleone, sur la crime. Ouais, faut aller chercher, c'est du lourd. C'est la rue, par la rue, pour la rue. Et voilà, y a rien à rajouter, c'est. faut l'écouter, faut aller le chercher. Voilà. Il a tout dit, frère. Vous allez voir par vous-même. Voilà. Bon, bah merci d'être passé, Rimkus, à porter ton témoignage. Voilà. Aussi pour la sortie de Corleone. C'est un plaisir. Merci, ma gueule. Et par téléphone, il y a Nico. Dur, ma gueule. Nicolas de Thouars. Salut, Nico. Salut. Ça va bien, toi, t'appelles pour répondre à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Il y a combien de morceaux sur l'album de la Crime, Corleone? À 15. Eh ben 15, donc tu repars avec la Box Collector, qui est uniquement disponible à la Fnac avec l'album et t-shirt en édition limitée. Tu voulais dire un petit mot à la Crime, tu voulais dire quelque chose, Nico? Ouais, je voulais savoir si tu serais prêt à faire des feats avec des petits nouveaux. La Crime, attends, excuse-moi. Ouais, j'ai vu que t'étais dissipé, là. Non, désolé. T'as croisé Rimkus, il n'y en a plus que pour Rimkus. Non, je te jure, c'est plaisir d'avoir. Frère, tu sais pas. Ah bah si, je désolé, vois. Désolé, vois, dis-moi. Regard, ça va, Nico? Ça fait plaisir. Ouais. Non, Nico, il avait deux, trois trucs à te poser. Vas-y, Nico. Dis-moi, Nico. La Crime, je voulais savoir si tu serais prêt à faire des feats avec des petits nouveaux. Petit nouveau, moi après c'est un rappeur, c'est pas un petit nouveau. Pour l'instant je me concentre un peu sur moi. J'ai fait, par contre pour te répondre, j'ai fait au moins 10-15 morceaux avec des mecs, tu vois, inconnus. Moi je suis pas au truc de si t'as fait ça ou t'as fait ça, même au contraire, t'as vu. J'allais dire même les rappeurs un peu trop, tu vois. Je me mélange pas, je préfère donner la force à des gens qui essaient de monter. Après, là j'ai une carrière à gérer, je sors de prison, ça veut dire que j'essaie de me faire moi, t'as vu. Faut que déjà la Crime il encule tout. Mais t'as vu, bien sûr, j'essaie de penser à tout le monde. Déjà, ça fait 2 ans que j'essaie de tirer mon petit Rimkus. Ouais. Voilà. Pourquoi, Nico, c'était une proposition? Il y avait un truc, c'est ça? Tu voulais quelque chose en particulier? Ouais, avec des potes, on tente de se lancer, on va tenter. Eh bah, écoute, faut travailler déjà, mon pote. Faut bosser, c'est bien. Où est-ce qu'on peut te suivre? Tiens, balance déjà l'adresse sur où est-ce qu'on peut te suivre et écouter les sons. Bah, pour l'instant, on a encore rien balancé. C'est voilà. On veut être sûr de ce qu'on fait. Eh ben écoute, bon courage, Nico. T'avais autre chose à dire à la Crime? Tu comptes faire encore combien d'albums que je puisse les réserver maintenant? Ah, tu fais plaisir, ma gueule. Je te jure, tu fais plaisir, Nico. Merci, ma gueule. Je sais pas, là, c'est mon premier album pour l'instant. Et on va prouver, et puis on va continuer, bien sûr. L'aventure fait que commencer. Merci, Nico. T'as pas un plan de carrière établi en disant, on sortira tous les... Tous les 6 mois, moi, déjà, avant. Donc là, je sais pas. C'est pour ça que je te dis ça, ouais. On va voir. Bon, on verra par la suite. Merci Nico d'avoir été avec nous. Merci Nico. Qui repart avec sa Box Collector. Est-ce que tu es prêt pour faire le live de Oz? Allez, c'est parti. On y va, on attaque. Pour tous les prisonniers, frère. Ouais, c'est un morceau qui est important pour toi. Ils sont dans la cellule là, ils vont comprendre. Eh ben, c'est parti. Allez. Ok. Isolé, quel mauvais temps. Je m'étais dit ça plus jamais, les parloirs et les rages dedans. La canicule assèche les fleurs, bah moi la tôle noircit mon âme. Juste une petite trêve, je dors plus, je traîne, je fais plus de rêves, laissez mon cœur au crève, gros. Wesh la Crime, comment ça va? T'inquiète mon frère, un téléphone, un bloc de shit, je m'occupe de toi, je pense à ma famille que j'ai laissé, ma mère doit péter les plombs. Pour toutes ces galères là, je voudrais vous demander pardon. Si tu viens me voir, retiens tes mains. Prends ça, frère. Ne t'inquiète pas, je sors bientôt. La tôle c'est rien, je fais sur un pied. Mais en vérité, je suis dégoûté. J'avoue, je veux juste aimer. J'avoue, voir grandir. J'avoue, un peu mon fils. J'avoue, je pense à mes potes. J'avoue, encore là-bas. J'avoue, le cœur serré. J'avoue, je vous ouvre. Frère, on va délover. On tombe mais on sait se relever. J'arrive au bâtiment B. J'ai les potes donc je suis vite OP. Ouais, quand frère ils m'ont eu, envoie de la prod, je les tue. Je venais à peine de signer, c'est pas comme ça que je vais me réinsérer. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Ma dignité vaut-elle de la merde? Aurais-je le cran de leur faire la guerre? Aurais-je le temps de voir toute la terre? Mais tout fait haine, c'est tout ce qu'ils veulent. J'ai trop fait de peine à tous ceux que j'aime. À l'intérieur, c'est comme dans la tête. Faut se débrouiller pour se faire sa place dans les salles d'attente. Les cours de promenade, des jours de mi-tard. Les affaires en plus, l'attente d'un courrier. Parloir, ta femme qu'on peut plus, ta mère qui fatigue de trop. Madame la juge, on est fière, fait de sang et de chair. Vos peines planchées n'ont qu'un seul but, faire pleurer nos mères. Si tu viens me voir, retiens tes larmes. Ne t'inquiète pas, dédicace à ma famille. Je sors bientôt. Les épreuves, là, c'est dur. Je fais sur un pied. C'est ça la famille, frère, ils mon sont là. Vérité, ne lâche pas. Je suis dégoûté. J'avoue. Aimer. J'avoue. Voir grandir. J'avoue. Un peu mon fils. J'avoue. Je pense à mes potes. J'avoue. encore. C'est comme à Lille là. Ça se passe comme ça ou pas? Je vous oublie pas. Tu prends des risques, tu te prends pour un boss. Tu veux pas d'utile vie, toi tu veux la Porsche. Peu importe ce qu'il en coûte, sur la liste, sur écoute. Et un jour tu te réveilles, t'as pris 15 piges, gros. Écoute la prod, frère. Vu ton petit joint. Regarde le coucher de soleil. Hein? L'évasion, frère. La sortie, Inch'Allah. L'huile, l'odeur. Je me dis, fraîche, fraîche. Juste, elle, j'avoue. Voir grandir. J'avoue. Un peu. Bizarre. Mon fils. Je pense ouais. À mes potes. Nadir, encore là-bas. Le bâtiment B, le bâtiment A. Le bâtiment C. Salim. Voilà le morceau qui voilà, s'appelle Ose à l'instant en ouais. Live. Morceau important. Ouais. Ah, lourd. Je kiffe. Moi, personnellement, c'est mon préféré de l'album. Celui-ci, ouais. Si tu devais en choisir un sur ton album, ce serait celui-ci. Ouais, celui-là. Après, il y a Chouk un Thug, il y a Porky Coffee aussi qui est très lourd. Mmh. Mais tu vois, celui-là, par. On va dire, c'est ce que j'ai vécu dernièrement. Ouais. Tu vois, donc ça me tient vraiment à cœur. Bon, tu me disais d'ailleurs la semaine dernière que t'as pas écrit l'album pratiquement en prison, ou très peu. Mmh. Celui-ci, par contre, fait partie des textes que t'as non. Même pas. Non, en dehors de la prison. Après, c'est pareil, tu vois. C'est quoi ces sons, ouais, qui t'a rappelé un peu une... Ouais, exactement. Après, tous mes souvenirs sont là, ça reste intact, tu vois, c'est dans ma mémoire. Après, j'écris le morceau, je parle un peu avec mes potos tous les jours aussi, tu vois. J'écris le morceau, je suis chez moi, l'instru, quand j'ai la prod, je me dis, c'est ça le thème. Tu vois, ouais. On se dit, ça peut pas être autre chose. Et après, tu vois, il y a juste à réfléchir, tac tac, je l'ai fait un mois après la sortie, tu vois, celui-là. Donc ouais, il y a encore ce côté un peu voilà, mélancolier où t'es un peu en train de te souvenir. D'ailleurs, ça doit faire bizarre quand tu sors aussi, tu retrouves un peu tout le monde d'un seul coup. Ouais. Il y a des moments où tu dis merde, c'est une sensation particulière. Ouais, surtout le premier jour. Premier jour, ouais. Ouais. C'est comme ça, le premier jour. Après, quand t'es habitué à être, c'est en promenade, c'est t'as des gens, c'est millimétré le nombre de gens, le truc, tu sors, tu vois du peuple, ou alors si tu vas sur Paris, il y a trop. Alors surtout, tu sais, la crime, tu fais des photos ou trucs, tu vois, ça. Toi, t'as envie de rester au calme, d'aller voir ta famille, de te poser, tu vois. C'est ça, et les premiers jours. Et bon, là, de faire par contre des showcases, t'es prêt. C'est non, bon, mais là. Ça y est, ça c'était, c'était une première étape, c'était les premiers jours, tu vois. T'as envie d'être au calme. Là, c'est fini, tu vois bien l'album. On est là pour tout casser. T'as envie de voir du monde. Exactement, il y a du monde. Et il y a du monde ce soir, ouais, dans le studio. Qu'est-ce qu'il y a brûlé? Il y a Brulux en deux flux, Snap Brulux 19, ma gueule. Tu veux suivre Brûlé, tu le suis sur Snap. Si je me plante pas d'ailleurs, Brûlé, je crois que c'est lui qui a annoncé ta sortie. Bien par sûr, un message Brulux on the source. En disant, après, t'avais sorti un truc très poétique en disant attention, là ça va faire mal pour le rap français ou je sais pas quoi. Ouais, le rap français allait se retrouver en vrai, tlé, la mécrie derrière. Voilà. Aïe. Il est de mauvaise humeur là. Ouais. Et ben voilà, en tout cas, il y a des gens comme Brûlé qui est là. Ouais, ça soutient, frère. Et c'est un poteau à Luin qui m'a dit. Hein, c'est un mec à Luin, il m'a dit ouais, la mécrie là, il est en train de t'y sortir, tout ça. Après, c'est moi, je l'ai annoncé. Ouais. C'est un mec à Luin, j'avais un espion à Luin, big up à lui et big up aux poteaux qui sont à Habs partout, Loco, Nino, partout, ceux que j'ai oubliés. Bien vu les espavions, j'étais pas au courant moi-même. Ah ouais, moi aussi. Voilà, démon One. Aussi. Et démon. Ça, c'est démon, attends, le côté 9-4, tu disais justement les influences mafia qu'un free. Bah, je disais toujours, ouais. T'as vu, moi j'allais braquer, frère, j'écoutais du Intouchable. Si. Ouais, il le sait pas, ça, mais c'est vrai. Si, il le sait. Ben, j'allais braquer, c'était dans ma voiture. J'avais des gants de cuisine, tu vois, jusqu'à là, mais je te parle, j'avais 15 ans, tu vois. Amateur, grosse voiture automatique, ça crasse, ça peut cramer dans la voiture. J'ai fini mon truc, je rentre chez moi, ça sent le cramer, il y a que du Intouchable. Des points sur les en cassette, frère. En cassette, le poil. Cassette. Incroyable. Bon, Démon, tu voulais dire quelque chose à la crime, toi aussi, pour la sortie de l'album? Bah, je suis content pour lui et j'ai écouté quelques titres de son album et ça déchire, ça tue, quoi. Merci. Ça représentait 9-4, Démon, ou pas? Tu rappes comme un mec du 9-4. Ça fait plaisir. Ça tue. Eh oui. Bah, attends, il nous disait justement la semaine dernière, la crime, que les influences, en tout cas dans le rap français, les peu de choses que tu écoutais dans le rap français, il y avait. C'était Intouchable, Mafia Cafri, Laura Luciano. C'est ça qui m'a marqué. Ça fait plaisir. Moi aussi, aujourd'hui, la crime, ça fait partie des seuls artistes en rap français que je peux écouter. Ah, tu vois, ça fait plaisir, frère. T'es un bon démon. Wallah, t'es un bon. Merci, Démon. Merci, la Bah, merci d'être passé, Démon. On t'attend aussi quoi, 2014-2015? Pour 2015, je vais envoyer des sons d'ici fin 2014 et je vais arriver avec un album pour avril-mai 2015. Ok, on suivra ça. Inch'Allah. Avec nous et à suivre de très près. Ouais, pourquoi tu te demandes pardon, pas? Pardon, la production de Flux 2. Alors c'est quand le Brulux en deux flux? Ça arrive là, ça arrive, c'est du sale. C'est vrai? C'est du sale. Les titres, je suis au courant un peu, les titres sont en train de se construire et tout, ça va arriver, ça va être mieux que le 1. Le 1 déjà il était bien, mais là ça reconstitue. C'est là c'est bien, moi, c'est je vais poser bon, dessus. Il y a la meucrie, les halles déjà, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Et c'est l'essentiel qu'il y a la meucrie, après le reste on s'en branle, tu vois. Et tu vois.

Salut, ça va et vous? Ouais, bah, ça écoute, va, c'est un signe. Je pensais à dédicacer les, tous les mecs de Bondy. Je te jure, hein. Ah ouais? Et t'as dit, la tête de ma mère. Et t'as dit Bondy. Johanna de Bondy. Ouais, bah, dédicacer voilà, tous les mecs de Bondy, particulièrement Bondy Nord. Mec et Nana, puisqu'on a Johanna, donc. Ouais. On salue, ouais. Johanna, bienvenue à toi. Johanna, ça va, tu fais quoi? Vacances, repos, reprise? Ouais, ouais, vacances, reprise dans quelques jours, mais dernier jour, là, je profite. Eh bah, profite bien avec l'album de la crime qui est sorti aujourd'hui et puis la roulette qui tourne. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Yes. Place pour aller voir Beyoncé et Jay-Z. Stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh bah c'est fait, Johanna. De Bondy direction Saint-Denis, Stade de France, 12 et 13 septembre. T'as deux places pour l'une des deux dates, c'est pour toi, Johanna. Yes, merci beaucoup, Fred. Eh ben, passe un bon concert, concert événement. Hein. Les places sont à gagner uniquement sur Skyrock et c'est pour toi. Salut, Johanna. Salut. La crime. Salut, Johanna. On te fait des bisous. Passe une bonne soirée, Johanna. Voilà, elle est déjà partie. Merci, la crime. Merci pour cette à soirée. Toi, de retour. Plaisir. Tu vas être là tous les soirs entre 20 et 21. Toi aussi. Eh ben, ouais, j'espère. Voilà. Si tout se passe bien. Avec l'album Corleone. Toi-même. Brulux. Toi-même. En deflux. Ouais. Petite dédicace, petit message à passer avant d'y aller? Ouais, petite dédicace à tout mon quartier, Cité Blanche, Rébéval, rue de l'Orion, et tous les potos qui sont au Habs, tu vois, après t'oublies, tu vois, ça a du mal à venir. Et Snap, Brulux 19, j'ai vu quelqu'un, il a dit c'est quoi? Ah oui, Snap, t'es à fond dans Snapchat. Brulux 19, c'est moi, j'ai lancé Snap. Voilà, côté, toutes les photos que vous voyez sur Snap de la crime, c'est avec Brulé. C'est Brulé, la Snap, à chaque fois que je suis avec lui, c'est 15, 20 Snap. Ah, il aime bien, ouais, ouais, bien, il les met en stock, tout ça, et après, il les sort un mois, deux mois après, tout ça. T'as capté ou pas là? Voilà. Là, tu vas en balancer, là, soir. Là, j'ai fait des Snaps, là, j'ai fait même en direct, tout ça, avec la mécrie, tout. Voilà, il me dit, il a écrit un truc, il a écrit story, il me dit, regarde, poteau. Il me dit, ça reste 24 heures. Ils me disent pas comme les autres, tout ça. Ouais, 24 heures. Attends, c'est 24 heures, toutes les photos. Non, c'est pas des photos, c'est des vidéos. Ah, des vidéos, pardon, excuse-moi. Photo qui est transformée en photo, vidéo qui transforme en photo. J'ai des 23 000 vues, tout ça, sur Snap, tout ça, c'est chambé. Eh ben, allez suivre Brulux 19. Ouais. Venez Brulux 19 et brûlez, chat brûlé, Facebook. Tu viens, tous les comptes, c'est moi, je m'occupe. Tous les comptes, c'est moi, je s'occupe. Et big up Moha, depuis tout à l'heure, il envoie, je crois, il a niqué le crédit. Eh, Zo, il va te niquer, Moha. Merci, merci à brûler, merci à Rémi Lucam qui est passé. Merci, ouais. Quartier, ma cité, Sauce de Malfrat. Qui sort un gros dédicace à ce de Malfrat, c'est de Malfrat, les potos. Et je voulais faire aussi une dédicace à mon pote chinois qui sort un projet au mois de janvier qui s'appelle Shintawa avec pas mal d'artistes, Eliem, Canardo, Lafine, moi-même et d'autres. Et bon, sur Gitan, ça. Gitan, Barde, Wonders. Merci alors, à vous tous pour cette soirée. Merci, la crime, Rancard, dès demain. Merci, monsieur. Demain. Juste avant 20h, et on va retrouver Corleone dans les bacs. Merci beaucoup. Merci à tous du soutien. Et avec, ouais, Corleone dans les bacs et sur Planète Rap. De la Radio Libre. Et ben, on remercie toute l'équipe de Planète Rap ce soir. Merci, Diffoul. Amené par Fredo et la crime ce soir. Yes. Et Brulux. Et Brulux. Et tous les autres. Demain soir, on est de retour. Merci, Brulux. Et merci, la crime. De rien. Bisous à Marie. Oh, et tu sais qu'elle t'attend devant la sortie de ton studio. Je crois même qu'elle t'attend devant les toilettes. Dans les toilettes. J'ai une envie de pisser. Ça tombe bien, elle tombe t'attend. Bien. Elle adore. Bon, Radio Libre, vous l'entendez, c'est parti. Vous pouvez y aller. Ça y est, c'est le coup. Ah bah oui, là, ça y est, on est dans l'ambiance déjà là. Vous pouvez tout dire. Allez-y, profitez-en au 01 53 40 30 20 si vous avez besoin de nous, si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Allez-y, profitez. Vous nous laissez vos messages, on y revient tout de suite. Radio Libre, c'est parti avec le nouveau Nicki Minaj. T'aimes bien Fredo, le nouveau Nicki Minaj? Anaconda. Ah, terrible. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce morceau? Le clip surtout. Vous avez vu ses fesses au début là qui bougent? C'est les siennes ou pas? Le clip, je pense, non? Je sais pas, j'ai vu c'est des vidéos. Qu'il y a une doublure? C'est possible. Ah, moi j'ai l'impression qu'elle. Ou alors elle a perdu un peu. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Parce qu'on connaît bien le cul de Nicki Minaj, elle a posé son cul là juste à côté de moi. Elle avait deux chaises. Ouais. Une banquette. Nicki Minaj. Ah, et tu crois? Je vais aller voir ça image par image. Eh bien, nous on va l'écouter dans un instant en entier, le son c'est de Nicki Minaj. Pour démarrer la soirée, on vous attend. 41759, skyrock.fm et puis 01 53 40 30 20. Tous les réseaux sociaux vous faites péter. On est de retour tout de suite pour le début de la Radio Libre. À toutes. Ciao, Fredo.